pense que c'est la soirée des spéciaux, un pour deux. J'ai eu de la difficulté à me lever après la première partie. J'étais engourdi. Que s'est-il passé? PS, la première fois que j'assistais à une conférence. Bien, vous étiez simplement drogué. Lorsque les magnétiseurs font leur travail, ils vont magnétiser, et dans les premiers symptômes de magnétisation, c'est les picotements, la chaleur ou du froid. Si le magnétisme est suffisamment puissant, on aura de l'engourdissement. Ça peut même amener jusqu'à l'anesthésie locale du membre qui est magnétisé. Quand je fais des conférences, c'est pas juste au niveau de la parole que ça se communique, c'est au niveau de l'énergie. Et lorsque les individus sont un peu trop emplis d'énergie, ben avant que ça se canalise, souvent j'ai le temps de sortir bien avant que la salle commence à bouger. Ah, c'est l'énergie qui fait ça? Oui, c'est ça. C'est absorbé, c'est très utile. Ça évite de sujettir les gens à moi, comme ça ils ne se rappellent pas nécessairement ce que j'ai dit. Mais vu qu'ils se transforment, ils vont finir par comprendre par eux-mêmes des choses. Parler pour parler. Un Indien de 57 ans a battu lundi le record du bavardage en parlant sans interruption pendant 270 heures. Une performance qui n'est toujours pas terminée puisque l'homme a annoncé son intention de continuer à parler jusqu'à vendredi, a annoncé l'agence indienne PTI. Est-ce qu'un exploit de ce genre amène un contact avec son ajusteur de pensée? 57 ans est un peu jeune encore. New Delhi. Bon, quand on parle d'Indien, on parle d'Hindou. Ici? Dans son cas, non. Et si on veut, par la parole, avoir un contact avec son ajusteur de pensée, on doit parler avec quelqu'un qui a la capacité de nous réchauffer. Alors, l'individu, l'autre, l'interlocuteur, peut ne pas avoir le contrôle total de son ajusteur de pensée, mais si on communique de mental à mental, c'est-à-dire si c'est nous qui communiquons ensemble et non pas les monstres, veut pas, ça va déployer son ajusteur de pensée. Mais dans la majorité des cas, les individus ne seront pas capables de continuer à parler s'ils n'ont pas l'expérience d'un ajusteur de pensée, parce que l'énergie qui descend, disons que s'il y a un quota de 100% d'énergie qui descend, à peine 1% sera transformé en langage, en parole, parce que l'ajusteur de pensée n'a pas la rapidité, n'a pas l'expérience, et le mental n'a pas la puissance pour décoder et transmettre dans un autre langage, le langage de l'ego, ou le langage du corps, ou le langage de la langue que vous parlez, suffisamment d'informations. Le reste de l'énergie, disons 99%, viendra taper l'ego, viendra énergiser le corps vital, donc le corps physique. Il y aura l'engourdissement, il y aura la surexcitation, il y aura le goût de rire, il y aura peut-être les maux de tête, il y aura que ça va vous piquer un peu partout, il y aura un paquet de symptômes qui vont faire que vous allez cesser de parler, vous allez crier. Bon. Est-ce que... Alors, c'est dans son cas, lui, non, mais dans d'autres cas, la personne devra parler, et à un moment donné, elle ne pourra plus, elle va être vraiment folle comme un balai, si un balai peut être fou, et elle va arrêter. On ne peut pas parler... Elle va recommencer. J'ai fait des conférences lorsque j'étais jeune. On ne peut pas parler pendant 270 heures, juste avec des mémoires. Ah, voyons donc. C'est un qu'à lire la Bible. Mais sans arrêt, là. La Bible contient peut-être quoi? Un millionième de mémoire qui existe dans l'astral. Ça, c'est lire, c'est pas parler. Oh, oui, parler, c'est pas ce qu'il répète. C'est tellement droit qu'il répète. Ben, j'imagine que ça doit être quelque chose de différent. Imagine ce qu'on veut, mais... Je suis pas payé pour imaginer, moi, je suis payé pour les questions. Pour la 10e fois hier, en sortant du restaurant après être allé manger un hamburger, j'ai vraiment eu l'impression d'être allé gazer mon véhicule. Je me suis senti différente de mon corps que je n'étais pas ça. Mais il n'y a pas de lutte. Pourquoi cette lutte dans la désidentification à l'anti-homme? Présentement, la personne est en train de développer son discernement mental suffisamment pour, de temps en temps, sans qu'elle ne le veuille, et c'est souvent comme ça que ça commence, sans qu'elle ne le veuille, elle prend conscience qu'elle n'est pas ce qu'elle a ou ce que les animaux humains croient être, ce qu'elle a toujours cru être elle. La seule chose qu'il y a, c'est qu'à force de vivre ce genre de découverte que je viens d'alimenter mon corps physique, l'ego va s'approprier de l'information. Et à un moment donné, l'ego va commencer à jouer. L'anti-homme va commencer à vouloir tarir l'expérience. Et c'est là, lentement, que nous allons vivre de nouvelles récupérations. tout le long de l'involution de l'homme, ce que l'homme appelle l'évolution spirituelle, tout le long de l'involution, il y a eu des découvertes de conscience, ce que j'appelle la conscience lucide, qui, elle, gagne le monde de la mort pour créer des agglomérats spirituels qui, à un moment donné, s'incarnent dans les individus, surtout vers cette fin du 20e siècle. Mais lorsque l'individu a suffisamment de conscience lucide, il recommence ses découvertes du neuf. La personne qui pose la question, c'est ce qu'elle vit. Elle revit des choses neuves. Elle a l'impression d'être bilocalisée. Elle a l'impression d'être séparée de ce que normalement l'humain appelle le soi, le corps, la vie, etc. Sauf que l'anti-homme va s'accaparer de l'expérience et l'individu devra régulièrement travailler contre. Maintenant, il faut faire attention. Tout à l'heure, j'ai démontré une lutte qui existe souvent chez l'individu et qui est souvent perdue par l'être, gagnée par le monstre, par l'anti-homme, parce que l'individu finit par transmuer ça en se posant la question « Pourquoi suis-je si faible? » Alors que nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas assez présents. Et ça vient avec le temps. Plus ça va vite, et plus ça va, plus ça va. Dans le cas de la personne ici, si ce qui constitue son ego n'est pas aussi dommageable ou dommage que ce qui constitue beaucoup d'ego sur la planète, elle n'aura pas nécessairement la même intensité de guerre à vivre. Mais plus elle va s'en égoïser, plus elle aura l'impression qu'elle évolue. Oui, mais plus je travaille, plus je rempire. Elle ne rempire pas, plus vous travaillez, plus vous allez haut, éplucher l'ego, l'anti-homme. Plus il est épluché, plus lui devient violent. Et plus le anti-homme devient violent, plus l'ego va expérimenter l'illusion de l'évolution. Alors qu'il n'évolue pas, il évolue. Celui qui, à un moment donné, dans sa conscience, devient extrêmement colérique, c'est un problème. Celui qui est conscient et qui devient extrêmement colérique est plus évolué que celui qui n'est pas conscient et qui est calme. Parce qu'il y a le jeu. À un moment donné, on dit la souffrance, ça a évolué. Mais en or, la souffrance, ça fait souffrir. Mais plus on vit d'expérience, plus on met de papier sur l'ego. Plus il y a de papier, plus il est petit. Alors plus on paraît évolué, plus on paraît vertueux, on est plus calme, on est moins colérique, on est plus patient, on est plus tout ce que vous voudrez. Sauf qu'on n'est plus tapette. On n'est pas plus, on est moins. Mais on est moins évolué. On n'est plus tout le reste. Ce que l'animal humain recherche, ce que les dieux veulent que l'humain soit, bien enveloppé. L'ego veut s'exprimer et quand il le fait, c'est pour écœurer et je doute. C'est donc l'anti-homme. Je le vois, mais je n'ai pas assez d'énergie, j'ai le corps épuisé. Je veux prendre des vacances, mais je n'en ai pas le goût. Le médecin m'a prescrit des somnifères et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Les somnifères, ben, il faut les prendre avec un verre. Bon. C'est évident que c'est l'anti-homme. Quand je rencontre un être humain, je rencontre toujours un anti-humain. Toujours. Dans sa mode vestimentaire, dans sa mode alimentaire, dans sa façon de parler alors qu'il a une parole totalement fausse, dans sa façon de penser, de prier, de croire, dans sa façon de gérer, dans sa façon de polluer. C'est toujours l'anti-homme qu'on rencontre. La personne ici n'a pas suffisamment d'énergie. Il faut que vous sachiez une chose. C'est que il y a une nuance majeure entre ce que l'intelligence est et ce que nous croyons que l'intelligence doit être. Et c'est pourquoi, bien souvent, lorsque l'ego, qui a son concept de l'intelligence, qu'il l'ait pris de lui-même ou qu'il l'ait pris de moi ou de d'autres, lorsqu'il en rencontre l'intelligence, ou lorsque l'intelligence commence à manipuler pour son bien, son corps et sa vie, bien souvent, l'humain ou la conscience lucide, le peu de conscience lucide qui habite l'humain, ne comprend pas. Parce qu'il essaie de comprendre ce qui lui arrive à partir du passé, encore une fois. La personne ici, elle est dans une problématique que vivent beaucoup de conscientisés ou de conscientisables. L'individu qui dit « Pourquoi je ne suis pas millionnaire? » Ce serait illogique, intelligent, je m'en servirais convenablement, ce serait plus facile, ça me libérerait de la matière. Ça me permettrait de prendre des vacances, j'aurais du temps, je pourrais gagner à la loterie. La problématique, c'est que vous ne connaissez pas encore la puissance de votre anti-homme, de votre ego. Et vous êtes dans cette phase d'évolution, donc d'ascension, uniquement, justement, parce que vous êtes dans des problèmes, parce que vous êtes problématisable, parce que vous êtes entouré de conditions qui nécessitent votre ascension. Et les conditions qui nécessitent votre ascension sont nécessairement des conditions qui empêchent l'égoïsation, qui empêchent l'anti-homme de grandir. Alors, vous gagnez à la loterie et en 2 mois, vous pouvez être totalement récupéré. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne le serez pas dans 2 mois. Il y a le snobisme qui va se développer et il y a plusieurs mécaniques de récupération qui vont apparaître. Alors que dans la réalité des choses, ce n'est pas important que vous soyez millionnaire ou que vous soyez très reposé, parce que le travail qui est souvent inconscient chez l'humain est conscientisant, est conscientisable. On peut percevoir le travail, mais on ne peut pas toujours en comprendre l'essence. Ce travail se fait bien, malgré qu'il y a des effets secondaires débiles, diaboliques, dégueulasses, qui ne semble pas intelligent, mais vous ne savez pas quelle est la puissance de l'intelligence lorsque ce sera le temps pour elle et pour vous d'être reformé en santé. Il y a des êtres humains qui sont pris à fumer. Et je ne dis jamais à un humain de cesser de fumer. C'est meilleur pour la santé physique. C'est meilleur pour l'onde de forme et grégorien. Mais ce n'est pas nécessairement meilleur pour son évolution. Parce que s'il devient fou, s'il devient folle, s'il devient totalement perturbé parce qu'il n'est pas capable de supporter le neuf dans son contact, la cigarette est le salut matériel. Et un jour, il cessera de fumer. Alors l'individu peut dire, oui, mais ce sera drôlement peu intelligent si l'intelligence me permettrait d'arrêter de fumer. Mon corps physique se détruit pendant ce temps-là. Si ton corps astral va se détruire d'une façon plus dangereuse, si l'anti-homme s'égoïse parce que tu protèges ton corps physique dans l'arrêt de fumer, bien l'intelligence te force à fumer parce que ce n'est pas ton corps physique qu'elle veut protéger, ce n'est pas le corps vital, ce n'est pas le corps astral. Présentement, elle s'occupe de dégager votre ajusteur de pensée et de former le mental pour qu'il puisse se servir de l'énergie, appelée information dans le contexte spirituel, que l'intelligence, que votre esprit, que vous allez amener à votre anti-homme, à votre ego, que vous allez vous amener. Pendant cette bribe de temps, il y a une égoïsation. Donc, vous ne contrôlerez pas votre vie. Jusqu'au jour où vous serez suffisamment inégoïsable pour que malgré l'ego, vous ne risquiez pas de devenir un martyr de transition supramentale. Un être humain trop égoïsé, connecté à de l'astral supramental, connecté à l'énergie supramentale, mémorisé par l'expérience d'antenne collective, moi ou d'autres, qui fait que l'individu a l'apparence d'une personne connectée avec l'arrogance d'un ego totalement animal. Alors, il y a énormément de choses qui arrivent à celui qui se conscientise, qui ne semble pas intelligent. Il perd son emploi, il perd ses amis. Il perd du passé. Pendant ce temps, l'anti-homme fait tout pour épuiser le corps physique, le rendre malade ou l'épuiser, le fatiguer. Parce que moins il y a d'énergie vitale dans le corps physique, plus le mental baisse en vibration et moins l'humain a la capacité de se supramentaliser. Mais il arrive un point de l'évolution physique où l'énergie supramentale va aussi vous aider à vous fatiguer, à vous dévitaliser. Parce qu'il y a aussi un point fondamental où lorsque l'ego est ou a totalement dévitalisé le corps physique, l'énergie vitale du corps, l'énergie instinctive qui reste, entre elle en contact avec sa mémoire première, vive, et déconnecte aussi l'ego du contrôle du corps physique. De ce fait, vous êtes plus mentalisable, épuisé, plus supramentalisable, épuisé, même si du point de vue de la vision d'intelligence, c'est plus problématique. Lorsque c'était le temps de prendre des vacances, on n'en avait pas besoin. Lorsqu'on en a besoin, on ne peut plus. C'est le jeu de l'évolution. Jusqu'à un moment donné, ne demandez pas quand. le temps est une farce, jusqu'à un moment donné où vous aurez suffisamment conquis la négoïsation pour être capable de vous servir de certains privilèges qui ne concernent que ceux qui sont assujettis aux lois de l'évolution, donc aux lois de l'initiation lunaire, et non pas aux lois de l'involution, aux lois de spiritualité, aux lois de l'évolution de l'animal humain, aux lois de l'initiation lunaire. J'ai expliqué la semaine dernière que celui qui se conscientisait était comme un riche, pauvre, comme une personne qui partait de la pauvreté et qui faisait l'ascension vers la richesse, et que pendant un laps de temps, elle était accueillie dans les endroits où on accueille les pauvres, qu'elle était respectée, qu'elle était sous la loi des pauvres, qu'elle avait l'assistance sociale, et qu'à un moment donné, parce qu'elle économisait, elle arrivait à être un peu trop riche pour être un pauvre, et on lui coupait son assistance sociale, elle ne pouvait plus aller au site populaire, on la refusait dans les restaurants des pauvres, elle était trop bien habillée. Elle était bannie des lois astrales, des lois du pauvre, mais non pas encore reconnue par les riches, on ne veut pas d'elle dans les restaurants de riches, on ne lui donne pas d'emploi. Alors elle est pire que les pauvres, parce qu'elle est entre la pauvreté et la richesse. Celui qui se conscientise vit la même chose. À un moment donné, on doit abandonner les maîtres. On doit devenir son seul maître, et on doit pénétrer une classe d'aristocrates et d'évolution, une classe qui ne vous acceptera jamais spirituellement, une classe où vous devrez rayonner suffisamment l'aristocratie supramentale pour nécessairement en faire partie. Mais vous ne pouvez pas et vous ne pourrez jamais quémander votre acceptation, vous devrez l'imposer. Et on ne l'impose pas dans le plan supramental avec de la puissance astrale. Ce sera évident. Mais tant qu'on n'est plus tout à fait spiritualisé, astralisé, tant qu'on n'est plus tout à fait l'animal humain et qu'on est banni par les lois spirituelles, par les dieux de vos pères, mais non encore accepté par l'aristocratie supramentale, l'élitisme humain qui commence à se déployer sur la planète, bien nécessairement, on a de gros problèmes. Il y a des lois, des règles, qui sont supramentales, intelligentes, et qui ne s'adressent qu'à ces aristocrates, qui ne s'adressent qu'à ces évolués. L'aristocratie, c'est pas celui qui est snob. C'est l'être humain, homme, femme ou enfant, qui a la capacité d'accepter 19 et qui a chez lui suffisamment de discernement pour savoir que tout ce qu'il fait, qu'il n'aime pas, ben c'est pas lui qui le fait, pour comprendre qu'il est manipulé. Lui, il est l'aristocrate. Il lui reste maintenant à développer son aristocratie, à grandir dedans. Et à un moment donné, les privilèges réservés à l'être humain, et non plus seulement à l'animal humain, ni à l'humain, vont commencer à lui être donnés. Alors, à un moment donné, les choses vont changer. Beaucoup de choses, mais graduellement. Ce qu'il a toujours recherché du point de vue de l'ego, ça va commencer à lui être permis. Simplement parce qu'il vient de libérer ce qu'il est de plus intelligent de l'anti-homme. Il a encore un anti-homme, un anti-femme. Il en a encore. Mais il n'est plus récupérable et il n'est plus martyrisable du point de vue du MTS, martyr de la transition supramentale. Il souffrira égoïquement pendant la période où il sera rejeté par les forces d'évolution et pas encore accepté par les structures d'évolution. C'est l'adolescence. Puis un enfant, pas encore un adulte. Ne veut plus jouer avec les jeunes, rejeté par les adultes. C'est chiant. Et c'est pendant cette période que l'adulte verra si vous devenez adulte. Et c'est pendant cette période que l'enfant fera tout pour vous récupérer et faire de vous un grand enfant. Alors, la personne, ce qu'elle vit ici, qu'est-ce que je peux faire? Travailler contre l'anti-homme. Développer les mécaniques qui permettent la réincarnation de mémoires qui nous sont utiles, et elle sait ce que je veux dire, et attendre Dans l'Antiquité, l'attente, on appelait ça l'espérance. Ayez foi. N'ayez pas foi. N'espérez pas. C'est idiot. Mais une chose certaine, c'est que vous ne pourrez précipiter les événements, vous serez obligé d'attendre. Alors, attendez. Faites ce que vous faites et attendez. L'attente active. On en a parlé ici. On va revenir sur ces choses-là, mais on en a aussi parlé en conférence. Vous n'êtes plus pauvre. Alors, les lois des pauvres ne vous sont plus acquises. Vous avez perdu le bien-être spirituel. L'assistance divine. Mais vous n'êtes pas riche. N'étant pas riche, vous n'avez pas le droit à un emploi de classe. Vous avez juste ce qu'il faut pour vivoter. Et à un moment donné, dans pas grand temps, vous aurez un privilège. Et le premier privilège qui normalement apparaît chez le conscientisable, c'est la capacité de supporter son ignorance. Deuxième privilège qui apparaît normalement, c'est la capacité de supporter l'attente. Troisième privilège, la compréhension réelle des mécaniques de vérification des chemins. On en a parlé dans une dernière conférence. Le privilège qui suit, c'est que maintenant, on saura. Si on doit faire ou si on ne doit pas faire, on commence à cesser de travailler, on commence à avoir du temps et on commence à avoir de l'argent. Quand on a le temps et l'argent, on travaille la santé et elle revient. Mais là, on est rendu à une étape de négociation où on ne peut pas prétendre « Ah ben, tu vois, je suis pas si pire que ça! » Non. Ça, on se rend compte que c'est l'ancien qui ça fait juste nous faire rire. On fait juste se dire ben, « Les choses s'améliorent. » Et c'est correct que ça s'améliore. C'est logique. C'est intelligent. Rendu à un point, c'est correct que ça s'améliore. Oui, mais c'est pas l'ego qui vient se vautrer là-dedans. C'est pas long que ça se désaméliore. L'anti-homme peut-il être subtil au point où quand tu lui as donné un cornet, il attend un mois avant de t'en demander un autre? Moi, c'est ça que le mien fait. Est-ce alors l'anti-homme qui manipule le mental? J'ai tout à l'heure, pendant la première partie, expliqué cette mécanique. Effectivement, l'anti-homme devient tellement subtil qu'il finit par vous jouer. Ça ne vous empêche de jouer un jeu et il va le perdre. Pourquoi? Parce qu'il s'énergise de moins en moins, donc il a perdu d'avance. Mon anti-homme, moi, qui décide de me laisser être heureux pour faire semblant que je suis heureux, ben tant mieux. C'est quoi le problème? Mon anti-homme qui décide de me faire gagner à la loterie pour me montrer que j'ai pas de problème là. Quand il va vouloir que je sois malheureux, c'est là qu'on va aller parler. Tant que l'esclave sert, c'est quoi le problème? Ah, il veut t'acheter. Ben, il m'achète aussi. Je vais être bon pour mon esclave tant qu'il fait ce qu'il doit faire. Puis quand l'esclave commence à vouloir se révolter, je marche plus. Au niveau des cons. Est-ce qu'une glande hypophyse déficiente donne plus de sécrétion endocrinienne ou l'inverse? Ben, si c'est de l'hypo-sécrétion, c'est plus. Si c'est moins, si c'est hyper, c'est plus. Maintenant, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque corps physique est différent. Il y a une globalité au niveau des sécrétions endocriniennes. Au niveau des catécholamines, au niveau des drogues naturelles comme la morphine naturelle qui est l'endorphine cérébrale, les cardiaques et pulmonaires. Il y a différentes quantités d'hormones qui sont sécrétées par le corps, mais ça dépend aussi de la quantité de récepteurs spécifiques que chaque individu a au niveau de son corps physique. Ça dépend de la qualité des récepteurs spécifiques. Ça dépend de l'épaisseur du péristri. Ça dépend de la solidité du système endocrinien. C'est-à-dire que si on a des neurones qui se dépolarisent à rien, il faut juste faire un petit pichenote, l'individu est frustré. Si on a des neurones qui se dépolarisent lorsqu'il y a beaucoup d'énergie, alors là, je n'ai pas l'exemple, mais il faudrait donner un grand coup de poing pour frustrer la personne. Essayez d'imaginer. C'est ça. Alors, ça dépend des corps physiques. Donc, une glande hypophyse qui est déficiente, est-ce que c'est évolutif? Dans beaucoup de cas, oui. Ah, ça perturbe des choses. C'est pas à cause que c'est perturbé que c'est involutif. Mais ça peut aussi être involuant. Ça dépend des individus. Et sachez une chose. Si moi, j'ai un système endocrinien qui fait que je suis toujours les mêmes moites, le moindrement que je regarde quelqu'un. Effectivement, je le regarde, ça se met à moitié. Et je dois serrer les mains aux individus, chaque fois que je serre les mains, mais je les mets moites, timides, et puis l'individu sait que je suis tout nerveux. Alors, effectivement, cette sécrétion me nuit. Mais si je suis mon seul maître, c'est ma main qui est moite, pas moi, pas mon mental qui est moite. S'ils pensent que je suis tout humide, tant pis. Qu'est-ce que je veux faire de plus? Alors, je serre les mains toutes moites, puis ils se glissent, puis je suis même plus. Là, il faut que je serre la main, je les suis. Mais non, l'ego, Pentium, tu transpires, ben transpires le cave. On va le serrer les mains, on va le transpirer. Il va tout savoir que je... C'est ça, il va le savoir. À un moment donné, ça va faire 16 fois de transpirer. Oui, je m'en fais trop. Ah, t'es toute rouge! Eh oui, je suis toute rouge. Bon, c'est après. Moi, puis ma rougeur cutanée, c'est deux. Ah ah, t'es gêné! Non, je suis pas gêné. Ben, t'es toute rouge, t'es toute humide. Eh oui, je suis toute rouge, je suis humide. Faut croire qu'il y a un cave chez moi qui est gêné, mais moi non. C'est sûr que beaucoup de monde ne vous comprendront pas. Mais de toute façon, ils ne vous comprennent jamais. Alors, ça change quoi? Les sécrétions endocriniennes, ce n'est pas vous. Ça peut perturber. Pourquoi? Parce que ça exprime quelque chose dans le corps physique. L'ego le lit. Et tant que vous allez continuer à considérer que vous êtes cette chose-là, effectivement, ça va le lire. Mais le système endocrinien, c'est un problème. Comme le corps physique. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'êtes pas un corps physique. Vous n'êtes pas des sécrétions. Vous n'êtes pas de l'émotion. Vous n'êtes pas des maladies. Autre chose. De bien mieux. Sauf que présentement, c'est sûr qu'on... Mais j'ai quand même des émotions. C'est moi qui vis les émotions. Non. Quand votre automobile s'étouffe, c'est pas vous qui êtes en train de mourir. Bon. Quand le corps physique meurt, c'est pas vous non plus. Il y a une perte de conscience dans le monde de la mort. Il y a encore une fausse mort. Qu'à un moment donné, on arrive à supplanter en devenant immortel, c'est-à-dire en ayant un diabétique. Mais le système endocrinien, effectivement, ça va nuire. Ça va nuire, ça perturbe, ça achale. Il fait trop chaud chez vous, ça nuit. C'est pas vous qui chauffez. Le corps physique va suivre la température, c'est pas vous non plus. Mais ça perturbe. Si vous le savez, ben il va faire chaud, vous allez transpirer, puis ça nuira pas à votre façon de penser. Si vous gueulez contre le thermostat, puis contre la chaleur, puis contre le bon Dieu, puis contre la météo, puis contre Dorval, puis contre ce que vous voudrez, bien effectivement, ça vous empêche de penser, vous êtes en train de chialer. Pourquoi depuis l'effusion, il y a 15 milliards d'années, sommes-nous restés à 1% d'intelligence et 99% d'animal, anti-homme, alors qu'on devrait être rendu à 50-50 au moins, compte tenu que l'évolution a commencé depuis longtemps? 50-50, c'est une vision de l'ego. L'ego qui se décrime, brillant comme on est, on devrait être au moins 50-50. Mais c'est justement parce que l'ego pense des choses comme ça que c'est pas 50-50. 15 milliards d'années, c'est quoi? C'est rien. C'est une petite étincelle, à peine. Il y a une friction. C'est l'allumé. Ben, c'est pas allumé. C'est la création, du début à la fin. 40-45 milliards d'années. 15,5 milliards d'années, 14,5 à 15,5 milliards d'années, c'est un pet. Maintenant, ce qui arrive, c'est que vous devez comprendre une chose. C'est que le gros du chemin est fait. L'évolution est exponentielle. Ça veut dire que c'est à peine si ça paraît, puis plus ça monte vite. Le 5% d'intelligence, ou le pourcent d'intelligence qui habite l'humanité, il y a des individus ici qui ont... 12% d'intelligence. Je ne parle pas de l'intellectuel, je ne parle pas du quotient intellectuel. Avec le quotient intellectuel, on mesure la mémoire de l'individu, on ne mesure pas l'intelligence. Ça ne se mesure pas l'intelligence. La pensée, ça se mesure. Pas l'intelligence. L'individu qui a suffisamment d'intelligence en aura de plus en plus. Il a fallu créer des soleils. Il a fallu que les soleils explosent. 5 milliards d'années, 10 milliards d'années, dans la majorité des cas, 10 à 12 milliards d'années. Il a fallu que l'explosion de ces soleils crée des nébuleuses et qu'on recrée des soleils plus jeunes et avec les particules, cela engendrait des planètes. J'ai déjà expliqué que la vie n'existe que sur les soleils qui n'ont pas plus que 5 milliards d'années. Tout ça, c'est l'effusion. Mais il a fallu créer les super-univers, les univers, les galaxies, les systèmes solaires, d'effusion en effusion, on a perdu des bouts. D'ailleurs, il restait un bout plutôt. Là, perdu le reste. Et Ce 4,5 milliards d'années-là, il a fallu que la Terre se densifie, il a fallu que la matière s'orchestre, il a fallu que la matière s'anime, il a fallu que l'expérience finisse par engendrer le phénomène amique, il a fallu que le phénomène amique engendre le phénomène d'éthéologie, il a fallu que l'homme soit amifié, qu'une âme apparaisse chez lui, il a fallu que l'homme, que les animaux se sexualisent de façon que l'énergie vitale puisse engendrer le cerveau et le sens de laryngée, il a fallu développer le langage de façon à former la pensée, on pense avec des mots maintenant. Imaginez l'évolution de ce que vous voudrez, cette magnifique image. Et il a fallu développer tout cela jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est rendu à un point où on est capable de souffrir. C'est un bout de temps qu'on souffre. C'est déjà génial, la matière qui souffre. La matière est capable de sauver la vie d'un écureuil. Et on trouve que c'est lent. Mais maintenant, nous devons être capables de sauver la vie d'un écureuil sans souffrir pour la sauver. Sauver la vie d'un écureuil parce qu'on prend l'intelligence de préserver l'énergie. Pas parce qu'on souffre. C'est l'autre palier. Là où l'humain devient réellement un être. Mais c'est exponentiel. Nous sommes présentement dans une courbe ascendante. Après 4,5 milliards d'années, ça ne va prendre que quelques milliers d'années pour qu'on finisse le reste. Il ne faut pas être trop impatient. Et quand je parle de quelques milliers d'années, pour beaucoup d'individus, ce sera quelques centaines d'années. Et c'est pourquoi je dis qu'on doit maintenant envisager son évolution sur 2, 3, 4, 5, 5, 600 ans. Pas sur sa vie ici. Oui, mais je vais mourir dans 25 ans, en 30 ans, puis j'aurai pas le temps de finir. Anégoïsez-vous. Votre antium, plantez-le. Et vous aurez de toute façon un endométérique. Et de toute façon, votre conscience sera immortalisée. Le reste des corps, là, vous allez jouer dans l'illusion. Vous allez voir d'ici quelques années comment vous allez vous amuser. Sauf qu'il faut commencer à commencer. Sérieusement. C'est longtemps que c'est commencé, mais c'est inconscient. Prise de conscience de l'antium, c'est une chose. 50-50. Imaginez juste, vous devez juste aller quelque part, puis enfin, faites un petit test mental à peine olfactisable, et puis vous créez des traumatismes à travers le monde. Parlez-nous de l'Antéchrist. De façon antédiluvienne avant le déluge, l'anté ou l'antichrist, c'est ce qui vient avant le Christ. Spirituellement, l'anti ou l'antéchrist est extrêmement craint parce que les théologies christiques, catholiques entre autres, chrétiennes, ont l'impression que l'antéchrist va venir détruire le Christ. Ils ont raison et ils ont tort. L'antéchrist est une mécanique d'intelligence supramentale qui va venir détruire l'image du Christ qui habite la conscience spirituelle de trop d'humains. Au lieu de se servir de l'énergie christique, vieux nom de l'intelligence supramentale, il l'adore. Il l'imagise, il l'imagine, il l'image, il la déifie, il l'idolâtrie. Alors, à un moment donné, il y a un personnage qui va se pointer et qui va venir parler contre l'image. Il ne dira pas à l'humain, n'adorez plus l'image. Quand vous priez la croix, priez pas le bois. Non. Il va venir dire, ça, c'est satanique. Jetez ça dans le feu. Ah, les humains vont dire, ah, qu'est-ce qu'il fait là? Il va venir dire, le Christ a crissé son camp. Il vous a abandonné. L'humain ne pourra abandonner l'image qui le nuit que s'il finit par détester l'image qui le nuit. Vous ne pouvez vous divorcer en paix que si vous haïssez l'autre. Parce qu'il manque d'intelligence chez l'homme. On ne peut préparer nos défenses que si on déteste nos ennemis. Et l'Antéchrist, qui fait partie du salut des derniers bastions, qui va briser ce qui va rester dans les derniers bastions de l'évolution, vient pour aider la conscience de l'homme. Mais du point de vue spirituel, non, il vient jeter des théologies à terre. L'Antéchrist est déjà présent. Et ce n'est pas moi. C'est ma prochaine question. Est-ce que l'antium... Est-ce l'antium qui cause un drainage énergétique. Dans la majorité des cas, oui. Mais de temps en temps, c'est simplement la mutation neuronique et endocrinienne qui est orchestrée par l'intelligence supramentale. Il y a beaucoup d'enfants, de jeunes enfants, des enfants Teflon, qui ont justement une neuronique capable d'avoir un contact avec l'intelligence et qui ont besoin de 12 heures de sommeil par jour. Et ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qui sont paresseux, puis ils devraient s'élever, puis etc. Non, ils sont en train de... Le cerveau continue à se développer, à se déployer, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie, ils sont fatigués, épuisés. Il y a beaucoup d'adultes aussi, à un moment donné, qui vont vivre ce phénomène, qui seront souvent fatigués, et qui vont vouloir dormir, et qui vont être comme épuisés. Mais ils sont simplement en train de... en pleine croissance. Est-ce que le corps astral qui est irritable au bruit ou le vital qui est en perte d'énergie? C'est le vital qui est irritable au bruit. Le vital est irritable au bruit, il crée des dépolarisations plus rapides du point de vue du système nerveux. Et cela amène une information beaucoup trop grande au niveau du périsprit. Comme le vital est épuisé, le périsprit de l'âme, l'enveloppe de l'âme qui est une énergie vitale est plus mince. L'information pénètre beaucoup plus puissamment dans l'ego et cela crée une expérience dans l'ego qui est traumatisante. Exemple, c'est que si les mémoires expérientielles, les mémoires volatiles de mon ego, c'est l'eau, et que je place une partie de l'ego dans l'eau, et que l'enveloppe ici, c'est le périsprit, le contenant de plastique, eh bien, plus le contenant de plastique est épais, plus le périsprit est large, quand je donne une chiffonade, nécessairement, ça ne crée pas d'onde à l'intérieur. Plus cela est mince, plus je frappe, plus ça crée de perturbations à l'intérieur, alors plus l'être humain est vitalement épuisé, le corps vital est épuisé, le périsprit est épuisé, l'information rentre tellement puissamment, qu'il crée tellement de remous dans les mémoires expérientielles, les mémoires volatiles, que l'ego se promène et immédiatement l'ego réagit, enfin bref, on a une synergie, c'est ce qu'on appelle l'irritabilité. Comment faire pour fabriquer un corps éthérique, un double éthérique? Comment le fusionner? Pour en savoir plus long sur l'histoire, la meilleure chose, évidemment, c'est de faire le séminaire, parce qu'on prend 2 jours pour expliquer à peu près uniquement ce genre de choses. Très brièvement, comment on fait? Eh bien, on s'en égoïse, on fusionne, on dilue son ego. Et c'est la seule façon. Le double éthérique se construit automatiquement, on n'a même pas besoin de rien faire. Comme quelqu'un qui dirait, comment créer... L'exemple est intéressant, mais n'empêche, c'est pas tout à fait mon parallèle, mais c'est plaisant. Comment créer des crottes? Ben, faut que tu manges, puis c'est tout. Hein? Rien qu'à manger. Ah oui, mais j'ai mangé, maintenant que j'ai mangé, je fais quoi? C'est tard. Alors, on s'en égoïse. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en égoïser? Comment on crée un double éthérique pour s'en égoïser? C'est pas un excrément de l'âme. Le parallèle s'arrête là. Et comment on fait, puis on s'en égoïse? On se mentalise. On comprend qu'on est manipulé. On voit l'absurdité de beaucoup de réactions de l'animal humain. C'est la négoïsation. On travaille contre l'antihomme, c'est la négoïsation. On s'énergise pour apprendre à s'énergifier. On doit apprendre à manifester, c'est-à-dire que le mental doit de plus en plus prendre le contrôle du corps physique. On doit être son seul maître dans le corps. Tout le reste, ça se fait automatiquement, c'est une mécanique. Si vous devenez vos seuls maîtres, vous êtes le levier de votre salut. Automatiquement, tout le reste se met en marche, en branle. Vous faites partie de ceux qui sont... supramentalisables, qu'on appelle aussi l'aristocratie supramentale, ceux qui se dégagent de l'animal humain. Vous n'avez qu'à devenir vos seuls maîtres dans votre corps physique. Oui, mais j'ai encore le goût de crier. Tu cries, ben crie. Mais là, je crie. Est-ce que c'est toi qui crie? Non, c'est pas moi qui crie. C'est qui crie? Ben c'est moi, mais c'est pas moi, ben c'est Daniel. Êtes-vous capable de le dire? Êtes-vous capable de le savoir? Ben vous êtes en train de créer un double éthérique, donc de vous immortaliser. Oui, mais je crie encore! Je m'en fous que vous criez! Le savez-vous, vous criez? Oui! Savez-vous, trouvez-vous que c'est correct? Non, c'est idiot! Criez pareil, oui! C'est correct! Vous êtes correct! Vous êtes manipulé? Oui! C'est qui parle? Le cœur! Oh oui, mais c'est évident! On n'arrive pas pouf comme ça pour nous libérer, pour nous faire de beaux ponts face du nuage! L'intelligence descend puis elle fait sa place, alors à l'intérieur, ça lutte! Oui, mais si je suis si évolué, comment ça se fait que je me drogue encore? Uniquement parce que ton ego est encore investi de mémoire de drogué. Ça n'a rien à voir avec ton évolution. Ça va être mieux quand tu ne drogueras plus. Puis quand tu arrives drogué, je vais te parler. Je parle pas à l'antihomme. Puis quand tu arrives correct, pour moi, tu n'as jamais été drogué. Ça n'a rien à foutre. Alors lentement, l'humain qui s'en égoïse, devenir son seul maître, veut dire être conscient lucidement, nous, soit moi, de ce qui se passe, de ce qui n'est pas intelligent, qui se fait, et de ce qui est intelligent, qui devrait, ou que je fais. On ne demande pas la réussite instantanée, immédiate. C'est pas ça l'évolution, la réelle évolution. C'est pas ce que vous allez transparaître. On reconnaît un arbre à ses fruits, c'est dans l'involution. Vous avez un qui a à mettre un habit de moine et on me prendra pour un moine. C'est le jeu de l'onde de forme. Ça fonctionne avec les autres. Et c'est bon. Ça attire les réincarnations et on doit s'en servir. Soit. Sauf que c'est pas ça qui est intéressant pour l'intelligence. C'est pas la façon dont, à un moment donné, vous avez fait ceci ou cela. C'est pas ce que vous avez mangé avant de venir à la conférence qui détermine réellement ce que vous allez comprendre de la conférence. Puis en sortant, vous vous dites « Merde, je vais plus recommencer ». Vous êtes lucide, vous êtes conscientisable. Être conscientisable fait partie de nos nouvelles races, de ceux qui sont susceptibles de savoir. Puis demain matin, vous êtes revenu dans la race de ceux qui sont représentés le reste. Et à un moment donné, ben vous allez... C'est ça, ceux qui sont susceptibles tout court. Et à un moment donné, vous allez revenir en haut. Et puis il vient un temps où on passe dans ceux qui savent. Alors, comment faire pour fabriquer un corps éthérique? Ben voilà, on a simplement à s'anégoïser. S'anégoïser, c'est de travailler pour être son seul maître. Vous avez chialé, là, 5 minutes parce qu'il faisait trop chaud. C'est l'animal humain qui chiale. Vous le savez, vous êtes conscientisable. Alors, bienvenue. Le reste, je m'en fous, quand vous chialez, je ne vous écoute pas. Après ça, vous dites, oui, mais j'ai encore chialé. T'en es conscient, ben, t'es une élite sur la planète. Regarde, alors, j'étais une élite, mais ils sont troués, j'ai même pas de vêtements, j'ai pas de job. Je ne parle pas de l'élite selon la norme de l'animal humain. Je parle de l'élitisme du point de vue de la conscientisation. Vous êtes conscientisable. Alors, attendez, vous allez voir. Vous allez réussir. En quoi l'oratoire Saint-Joseph est-elle satanique? Est-ce vrai qu'il y a des souterrains sous cette église et à quel effet? Bon, en quoi elle est satanique? Lorsqu'elle sera totalement détruite par le feu, je pourrais en parler plus librement, mais pour l'instant, elle existe encore. Alors, c'est compliqué d'en parler. Mais sachons simplement que vous allez voir votre grand-mère et dernièrement, votre grand-père est décédé. Quand vous rentrez dans la maison de votre grand-mère, eh bien, elle vous dit « Ah, c'est bonjour! Ah, tu vois le cœur de grand-papa? Ah bien, ouais, regarde, son cœur, j'ai mis ici, regarde. C'est son cœur, ça. Mais tu vois ses yeux? Alors, c'est une autre vocale, ses yeux. La grand-mère, merde! Ah, barnouche! Hein? C'est satanique, c'est luciférien, quelque chose qui va pas, c'est le réel diabolique, son affaire. Puis elle a gardé le linge du grand-père, puis elle lui fait des statues comme lui, puis elle l'habille avec ça, puis là, vous allez vous dire, ben, c'est ça l'oratoire. C'est le frère André qui était décapité, puis qu'on a placé là. Mais c'est la même chose. Quand c'est dans un bocal nazi, on trouve ça débile. Quand c'est dans un bocal catholique, c'est moins pire. Parce qu'on va têter l'énergie du frère André, qui n'est pas son vrai nom, mais n'empêche qu'on continue. Alors, puis là-dedans, évidemment, on affiche la souffrance humaine, le paquet de béquilles, le paquet de ci, le paquet de ça, enfin bref. Mais c'est intéressant, c'est très intelligent, c'est essentiel l'oratoire Saint-Joseph. Quand on dit que c'est satanique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intelligent. L'Église catholique romaine, elle est extraordinairement puissante dans son inconscience. Toute forme de religion a un côté noir. C'est le côté noir qui travaille pour le côté blanc, pour forcer les fidèles à adopter la religion. Le mot « maudissez jamais Dieu, vous serez en enfer ». L'enfer est utile à Dieu. Si vous ne faites pas ceci, vous risquez de vous faire empire filicoté par Satan. Satan est utile à Dieu. Parce qu'ayant peur, on se dirige de l'autre côté. Mais le karma noir de l'Église doit être absorbé quelque part. Il est absorbé normalement par les martyrs de l'Église. Par ceux qui se font crucifier, ceux qui meurent brûlés, ceux qui se font assassiner dans les pays pauvres. Il est bien souvent supporté par les missionnaires qui vont souffrir et payer pour le reste. Il est supporté dans certains couvents par ceux qui se cloîtrent à jamais. Et il est supporté par certaines églises particulières, comme l'oratoire, préserve le Québec de l'agression noire de la théologie. C'est bon. C'est une valve de sécurité. C'est une valve, c'est un tampon. Comme les statues de l'île de Pâques servaient à préserver, à absorber toutes les sorts jetées. Ça préservait l'antipode qui est la seule, la capitale mondiale du bouddhisme dans l'Himalaya au Tibet. Ça absorbe les sorts qui ont été jetés chez des individus qui n'ont jamais atteint leur cible, et bien, à un moment donné, c'est absorbé par là. L'Église catholique romaine, c'est fortement génial, ça sert à l'évolution de l'homme, même ça fait partie des mécaniques de l'évolution de l'homme. Est-ce possible que l'intelligence nous fasse obtenir quelque chose comme un emploi, un automobile, etc., pour nous faire rendre compte plus vite que ce n'était pas ça qui nous convenait? Absolument. Ça fait partie des structures de la dégoïsation. Explique le troisième œil avec le soleil, le travail à faire et la méthode à suivre. Bon, il n'y a rien à faire. J'ai expliqué que par la mécanique du phosphénisme, on peut développer le troisième œil. Mais l'individu est à un niveau d'évolution présentement, l'individu qui pose la question, qu'il n'a pas besoin de travailler avec le phosphéniste, il doit travailler beaucoup plus, non plus sur le symptôme même de l'évolution. On a parlé de deux façons d'ouvrir le troisième œil dernièrement. Une façon qui amenait l'humain à voir dans le monde de la mort, à voir les horreurs et ces choses-là, à être voyant ou clairaudient. Et on a parlé du troisième œil qui, non pas ouvert par la glande hypophyse, mais la glande épiphyse, la glande pinéale, qui amenait l'humain à voir par l'ajusteur de pensée dans le plan supramental. Et il n'y a pas de symptômes à rechercher. Le soleil est une mécanique qui fausse. L'évolution, ça ouvre le troisième œil au niveau des forces astrales. L'individu est à un niveau d'évolution où elle devra laisser faire le phosphénisme graduellement pour travailler encore plus sur les structures de l'émotivité qui l'habite. Il y a l'évolution de symptôme en symptôme. Ça, c'est prendre l'escalier et marche après marche, on gagne en vertu. Symptôme après symptôme et on paraît beau. L'évolution méritoire, évolution de l'animal. Il y a l'évolution ascendante. On prend l'ascenseur, c'est pas méritoire, c'est pas fatigant, on arrive en haut plus vite. On mérite rien, mais on a tout. Ça, c'est l'initiation de l'être intelligent. Ne recherchez pas les symptômes. Bien souvent, dans les conférences, on va expliquer énormément de mécaniques qui nuisent et qui peuvent aider l'humain. Ces mécaniques, je les donne pour que l'ego soit instruit. Pour que l'ego finisse par autoriser votre mental à ce que celui-ci devienne votre seul maître. C'est juste ce qu'on a à faire. Dans le début, constatez que vous n'êtes pas ce que la tradition dit que vous étiez. Constatez que vous êtes autre chose que ce que vous vivez et ce que vous exprimez. C'est le début. Quand on en est rendu là, il y a beaucoup de choses qui se font plus facilement et qui se font seules. On a même le troisième œil va se développer. Il y a un séminaire que je donne à des gens pour justement leur débloquer l'ajusteur de pensée et le rendre opérationnel. Ben, c'est le troisième œil, mais on ne se sert pas du soleil. Ça prend quelques petites soirées puis c'est réglé quand l'humain est prêt. Ne prenez pas les vieilles techniques. Prenez des neuves. Prenez-en des neuves. C'est celles qui sont faites pour vous, qui fonctionnent. Comment se fait-il que tu connais tout ça? Parce que j'ai une grande gueule. L'être humain, comment se fait-il que je connais tout ça? Bon, voilà. Tu t'étais jamais posé la question, là? Non, je ne suis jamais posé la question. Ceux qui souvent posent la question, comment se fait-il que vous connaissez ceci ou cela? Ça ne veut pas dire que l'individu le fait, je n'ai pas encore touché la feuille, donc je ne sais pas, mais quand même. Bien souvent, l'individu, je rencontre un témoin de Jéhovah qui me dit, oui, mais c'est vrai ou tout, à vous, là? Pas dans la Bible. Alors ça, il sait déjà, c'est évident. Sauf que lui ne se demande pas d'où la Bible a pris tout ce qu'il y a dedans. Ça vient de Dieu. Où Dieu a-t-il pris tout ça? Ah, il le savait. Alors ça doit répondre à ta question. Et le témoin de Jéhovah ne peut pas être témoin de Daniel. Alors il referme sa Bible et il s'en va. Mais l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Le Nazaréen, un jour, un être humain, dont la mémoire est extrêmement adorée par beaucoup d'humains, a dit, un jour, vous ferez les mêmes choses que moi, et même plus. Et qu'est-ce que l'humain a dit? L'humain a dit, ah, yeah! Mais n'allez jamais dire à un de ces chrétiens que vous pouvez faire comme le Nazaréen. Ils vont vous crucifier comme le Nazaréen. Crucifier psychologiquement, mais quand même. L'humain peut faire... Le savoir instantané, c'est un savoir. Tout ce que j'ai dit ce soir, je ne le sais pas tant que je ne l'ai pas dit. Une fois que je l'ai dit, je ne m'en rappelle pas, je ne conserve que l'énergie. Elle me permet de grimper. La prochaine fois, je pourrai dire du neuf sur ce que j'ai dit ce soir. Et un jour, n'importe quel des humains sur la planète fera la même chose. Je n'ai pas besoin de lire pour savoir. Vous n'avez pas besoin de lire pour savoir. C'est parce que vous avez appris qu'il fallait lire pour savoir. Alors, vous ne savez pas, vous connaissez, vous apprenez. Et plus on apprend, plus on finit par s'instruire, que c'est qu'il faut apprendre pour savoir. Première chose que l'humain doit apprendre à l'école, c'est qu'il est capable d'apprendre. On ne le fait même pas. C'est une programmation qu'on fait. La deuxième chose, c'est qu'il doit apprendre comment apprendre. Et comment apprendre, c'est ce qui nous amène au savoir. Après, il doit simplement apprendre, puis il doit être sur son seul maître. Je sais tout ce que je dis, et je sais que ce que je dis est correct. C'est correct parce que je l'ai dit, parce que vous l'avez entendu. Ça n'a besoin de rien d'autre pour être parfait. Que peut m'apporter la pratique du phosphène? Pas grand-chose. Présentement, l'individu, ça ne peut pas lui apporter grand-chose. Devrais-je dire aux autres ce que je sais et ce que j'apprends sur l'ésotérisme? Étant donné que la personne pose la question, la réponse est non. Et la personne ne peut pas se dire, ah bon, mais d'abord, je pose, puis je vais y aller. Non. La réponse est non. Elle peut communiquer certaines choses en utilisant un dialogue normal. Ne vous mêlez pas d'aider autrui. C'est nuisible, c'est involutif. Vous devez laisser des petites perches pour que lorsque l'individu qui a la capacité de s'en servir puisse monter. Soyons chinois un peu. Fournir du poisson aux autres, ça les nourrit pour une journée. Faire montrer à pêcher, ça les nourrira pour la vie. Dans la spiritualité, dans le spiritualisme conventionnel, on n'aide pas pour la vie. On aide quotidiennement. Pour que l'humain reste esclave tout au long de sa vie aux théologies et aux maîtres, aux prêtres, aux gourous. Non. Moi, je suis un orateur. D'autres sont des orateurs. Alors, est-ce que vous êtes un orateur, une oratrice? Si vous posez la question, c'est que c'est non. C'est que ce n'est pas le temps, ou c'est que ce ne sera jamais votre fonction. Mais dans la discussion, on discute ensemble et on parle, eh bien oui, on amène des choses. Mais on n'argumente jamais, c'est de l'énergie perdue. Et on n'essaie pas de former, d'instruire, etc. Moi, je fais des conférences, les gens se déplacent pour venir. Et les gens payent pour venir m'écouter. Je ne vais pas les chercher. Je n'ai donc pas de karma. Il y a un danger. Celui qui discute avec quelqu'un, c'est comme s'il faisait de la consultation. Même si c'est pas ça qu'il veut faire, c'est ce que ça donne. Et c'est extrêmement méritoire. Ça finit toujours mal. Qu'est-ce que peut apporter à un individu le fait de faire le séminaire que tu donnes? À quelques reprises, j'ai voulu m'y inscrire, mais je me désiste toujours. Est-ce mon anti-homme? Je fais tout ce qu'il faut pour que les individus qui ne sont pas prêts à faire le séminaire ne puissent le faire. Il leur manquera l'argent, il leur manquera l'énergie. Quand c'est le temps, ils ont l'argent, ils ont l'énergie, et ils sont là. Que peut apporter un séminaire à un individu? Ça dépend de quel individu on parle. Si c'est à votre anti-homme, que des problèmes. Si c'est à votre intelligence, à votre conscience, à votre lucidité, que de l'énergie. Je ne parle pas de solution. Vous ferez votre chemin et vous deviendrez vos maîtres. Mais de l'énergie, oh oui. Et suffisamment d'informations pour que vous puissiez, dans votre lucidité, comprendre totalement les paramètres de l'ego, de la manipulation, des problèmes de l'humanité, de tout ce qui se passe. Et vous pourrez aussi découvrir où se cache l'intelligence à travers ce que l'humain appelle souvent les problèmes planétaires. C'est de l'information, ça permet à l'ego de pouvoir être instruit par le mental par la suite. Le reste, c'est de l'énergie. Veux, veux pas, ce qui est extrêmement plate dans ce que je fais, c'est que veux, veux pas, vous aurez une grande part du travail à faire. Hier, j'écoutais un enregistrement et mon anti-homme a voulu réécouter un extrait pour m'écœurer. C'était un extrait que je n'aimais pas. J'ai dit non, il a dit oui. J'ai continué à écouter, mais je ne devais plus entendre. Je ne pouvais plus entendre. Je disais non et il ne disait plus rien. Il riait de moi, il savait qu'il avait gagné. À un moment donné, il s'est tanné et avant que je le sache, ma main avait reculé l'enregistrement. Quel soulagement! Après, il a arrêté de m'écœurer. Comment faire si c'est l'anti-homme qui contrôle le corps en passant par-dessus le mental? C'est simple. Continuez à vous en rendre compte. C'est ça, la conscientisation. Comment faire pour ôter la pollution? Mais commençons par voir qu'on pollue. Ah, mais ça va rien régler. Ça va rien régler. Non, pas là. Mais c'est le début de la solution. On ne dépolluera pas si on ne le sait pas qu'on pollue. L'anti-homme continue à contrôler, c'est ce que tout à l'heure j'expliquais. Ne vous culpabilisez pas, l'énergie qui brûle en culpabilité ne sert pas le mental. Observez. Il riait de moi. Ben oui, il riait avec. Vous voulez te perdre, c'est tout. Ça change quoi? Ça change rien. Mais en plus, vous le savez, c'est ça qui change tout. Pas gagner ou perdre. Votre évolution, ce n'est pas de battre l'anti-homme, c'est de savoir ce qui se fait. Veux pas, ne voulant pas être observé, va finir par s'en aller. Ça va s'en égoïser, créer le dobétérique. Sachez-le et ne souffrez pas de le savoir. Est-ce que la culpabilité est une émotion? Ben oui. Le même niveau d'énergie qu'une émotion normale? La culpabilité, c'est une inhibition, c'est une programmation placée par les archétypes d'involution pour pouvoir entretenir dans la conscience astrale de l'homme l'illusion que celui-ci a un libre arbitre. Si j'ai un libre arbitre, cela veut dire que ce que je fais, c'est moi qui l'ai décidé. Donc, si je l'ai décidé et que ça marche mal, je me sens coupable. Pourquoi j'ai fait ça? Et on dit toujours, oui, m'avoir su. Ben justement, merde, si vous ne le saviez pas, ben vous ne pouviez pas faire autrement. Alors, plus de culpabilité. Moi, je suis un être totalement parfait, comme vous êtes totalement parfait et parfaite. Si on élimine toute la crasse qui nous habite, puis qu'on nous dit exactement ce qu'on doit faire, ben on va le faire, hein? Alors, on est parfait. Nécessairement, si dans la mécanique de l'évolution planétaire, il y a quelque chose qui nécessite que nous soyons investis d'inhibition, de problèmes, de peur, de crainte, de culpabilité, d'angoisse, de haine, de guerre, de violence, d'espoir et de tout ça, oh ben là, je sais pas pour commencer à me culpabiliser, c'est pas mal, c'est pas moi, ça vit avec moi. Et plus je vais le voir, plus ce qui, chez moi, est l'anti-homme, et qui espère être beau et parfait, va découvrir comment imparfait il est. Ou il va accepter d'être supramentalisé pour devenir parfait, ou il va me quitter, comme j'expliquais tout à l'heure, à un moment donné, l'anti-homme me fuit. Il y a toujours un danger, je ne demanderai pas si un danger. Il y a seulement un danger, que l'ego s'accapare de ce que tu dis là, et puis se dise, bon, à partir d'aujourd'hui, je peux faire n'importe quoi, de toute façon, je ne suis pas coupable. Non, il n'y a pas de danger. Il y a des dangers, oui. Sauf que l'individu qui décide ça, c'est que de toute façon, il aurait fait ça n'importe quoi. Il l'aurait fait quand même. C'est pas parce que je lui dis qu'il va le faire. Comme j'explique souvent au séminaire, c'est simple. Maintenant que vous savez que vous pouvez faire ce que vous voulez, parfait, bien sortez par les tuiles la personne là-bas, qui est au comptoir. Vous ne pourrez pas, hein? Non, vous n'êtes pas programmé pour tuer. Alors même si vous dites, ah, ben, je peux faire n'importe quoi, je suis pas responsable, mais moi, je tue le voisin, c'est pas tuer le voisin. Celui qui va le tuer, ben, de toute façon, lui, il peut tuer. Il n'y a pas de problème. C'est pas à cause de ce que je dis. C'est pas à cause de ce qu'il se conscientise. De toute façon, c'est un corps qui est facilement ramassable par une arme tueuse et il peut aller tuer. Donc, il n'y a pas de mérite à ne pas tuer. C'est certain. Et c'est pas forcé, c'est dans son naturel. Mais oui! Exactement. Puis un non-tueur ne serait pas capable de le faire. Il ne peut pas. Il est fait. Il faut qu'on le programme énormément, qu'on le rentre dans l'armée, qu'on lui lave le cerveau. Avec des détergents trop. Et puis qu'on lui fasse haïr suffisamment quelque chose pour qu'il puisse aller tuer la chose. Quelqu'un qui aime les animaux ne va pas à la chasse. Ah, mais quelqu'un qui aime les trophées. Mais celui qui dit, ah, moi, j'adore, non. À moins qu'il soit réellement dans une évolution hautement spiritualisée. L'évolution de celui qui dit, moi, j'aime les fleurs. Je les tue, je les mets dans un bocal, sur ma table, puis je les aime. Puis quand elles sont toutes fanées, mais là, maintenant, plus longue de forme que j'ai besoin, c'est plus poubelle, tu sais. Puis là, je m'en vais dans mon jardin, ramasser d'autres fleurs que j'aime, que je leur dis régulièrement que je les aime. Puis j'y ramasse. Pourquoi on dit une fleur qu'on l'aime? Parce que c'est plus belle. Puis la fleur, on s'en fout. Puis c'est vraiment qu'elle soit belle. On aime ça, les fleurs belles. On se fout de la fleur. L'animal humain qui va à la chasse, c'est le même phénomène. C'est l'onde de forme de la fleur qui nous énergise, ou est-ce que ça nous énergise? Mais oui. C'est que l'être humain a dans son astral des stéréotypes, des archétypes, et il a besoin de se nourrir. S'il voit régulièrement le verre dans son automobile, eh bien, il se sent en sécurité. Il y en a qui mettent des petites bébelles, des idées, ça. Bon, il se sent en sécurité. C'est comme celui qui met la photo de sa femme ou de son mari ou de ses enfants à son bureau. Parce que la famille le suit, la famille l'appuie, la famille est avec lui. Puis de temps en temps, ben là, il met la photo à l'envers. Parce que la femme, elle sort sa bouteille de cognac. Ça, il remet la photo comme il faut. Parce que, il ne faut pas que la femme le voie. C'est les archétypes pastoraux, mais la femme, elle va le savoir de toute façon. Puis toi là-dessus. Mais quand même. L'individu a besoin d'un nombre, de formes particulières pour se nourrir. On parle de l'antihomme, évidemment. Alors, celui qui a découvert que c'était virtueux, les fleurs, c'était le symbole de l'amour. La rose, la tulipe, etc. Le symbole, évidemment, la rose, oui, avec les épines, c'était le symbole de l'amour. Le symbole de la douceur, le symbole de la paix, le symbole de l'évolution, le symbole de ce que vous voudrez. Mais nécessairement, il s'organise pour être collectivisé, puis il faut qu'il aime les fleurs. Quand tu aimes une femme, offrez-y une fleur, es-tu content? Ça n'a rien à voir avec ça. Il achète les fesses, tiens, une fleur. Mais c'est pas un symbole d'amour, c'est un symbole de fleur. Et là, je suis dans la fleur de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? L'étale va tomber. Par contre, l'individu va aimer un nombre de formes particulières et il va s'arranger pour placer ça ici, l'appel de l'amour. Tant qu'il la femme ou l'homme a des fleurs sur sa table, il se sent bien. Quand les fleurs fanent la photo, l'onde de forme n'est plus la même. Ça ne nous nourrit plus. Mais si il aimait les natures mortes, il préférerait les fleurs séchées. Bon. Ça dépend des individus. Alors, c'est simplement ce qui arrive. Donc, la personne qui est anti-homme se nourrit de ce phénomène-là. C'est pourquoi l'anti-homme aura besoin de ton corner, a besoin de ceci, a besoin de cela. Qu'est-ce que c'est l'anti-homme? C'est près de 30 millions de personnalités réincarnées chez soi présentement. Chacun a son petit mot à dire, son petit désir. Ah, évidemment, c'est réincarné en fonction du corps physique. Si tes papilles adorent le jus de citron, tu réincarnes les mémoires d'individus qui aiment aimer le jus de citron. Sauf qu'eux autres, ils veulent que tu prennes le jus de citron. Ça crée des ulcères à l'estomac, tu réincarnes les individus qui ont eu les ulcères à l'estomac. Alors, eux vont continuer à faire pour que tu aies des ulcères à l'estomac, ces mémoires-là. Puis là, je te trompe, tu vas continuer à m'en prendre parce que les papilles gustatives aiment ça. Puis tu nourris l'anti-homme qui, finalement, te détruit. Et toi, mentalement, tu vas te dire, c'est ridicule. C'est vrai que c'est ridicule. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous devez simplement le constater. Pas vous haïr, pas vous culpabiliser, pas finir là-dessus. Parlez-lui. Autrement dit, parlez-vous. Mais pas avec un raisonnement comme on le fait bien souvent. Arrête un peu, je reviens plus tard. Non. Si on se parle mentalement, dans le cas où on travaille dans un bureau, ça serait drôle de commencer à se parler, parce que ça paraît très drôle. Si on se parle mentalement, est-ce que ça a le même effet que verbalement? Si on se parle mentalement, ça a le même effet, donc si on parle dans sa tête, sauf que c'est beaucoup plus facile de se faire ramasser, de penser dans sa tête. Donc de penser qu'on parle, qu'en parlant, en parlant, on s'écoute, on ne peut pas parler tout haut sans s'en rendre compte, on finit par... Si on veut parler mentalement, oralement, ça a le plus de puissance, c'est plus certain que si on parle dans sa tête, pour parler dans sa tête, ça fonctionne aussi, ça dépend des individus. Mais une chose certaine, c'est qu'on doit parler en ordonnant. On ordonne au monde de la mort, on ordonne à l'astral. Quand Nazarien finit sa litanie avec le mot « Amen » qui veut dire « Ainsi soit-il », traduit dans mon langage par « qu'il en soit ainsi », ça donne des ordres. Alors, je ne dis pas à l'ego « Ah, fais donc ci, fais donc ça », non. Il va niaiser le psy. Je suis le père, il est le fils. Je suis le maître, il est l'esclave. C'est ce que vous devez travailler. Et l'anti-homme, le monstre, finit par en faire un... La prochaine conférence de Daniel, le titre « Que sont devenus les Atlantes » mercredi prochain au Holiday Inn de Montréal à 19h30. Bonne semaine. Oui, Sherbrooke. Sur la rue Sherbrooke.